dire que tu l'aimes. Nos souvenirs me pourchassent. Je les vis dans ce monde étrange comme une offense à un ange. Il me sèche, il m'étrangle. Faut-il que je me venge? Tout autour de toi, je cherche en vain à t'éloigner de moi. Tout autour de toi, quand seules mes mains caressent ses draps de soie. Tout autour de moi, comme un vautour sur sa proie. Tout autour de moi, quand je suis ivre d'être moi. Je console ma disgrâce. Je vais lui dire que je l'aime à ce garçon dans la glace. Ses souvenirs, je les range à mes démons. J'en fais même offrande. Je les sais, je les étrangle. Qu'importe si je dérange. Tout tourne autour de toi. Quand tu cherches à retrouver tes lois. Tout tourne autour de moi. Sacré alcool, quand je te bois. Tout tourne autour de moi. Trop lentement, je crois. Tout tourne autour de moi. Mais ça n'est plus ce que tu crois. Il aime-tu cette fin de week-end? Elle me fuit quoi que je fasse. Je vais lui dire que je l'aime à cette jolie fille qui passe.